Osmose Radio. Osmose. La web radio. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres. Sur Osmose Radio. Bonsoir à tous mes chers amis, ce soir mardi 14 février, c'est une playlist qui vous invite pas tant dans l'heure du loup que dans l'heure du loup panard, puisque justement un panard, on va en prendre un, on va prendre notre pied ce soir en musique avec la playlist que je vous ai concoctée, moi Stéphane, sur Osmose Radio. Vous êtes bien dans l'heure du loup, une émission spéciale Saint-Valentin ce soir. Mais rassurez-vous, si la Saint-Valentin vous a gonflé aujourd'hui, je vais faire en sorte qu'elle vous apaise ou qu'elle vous amuse ce soir dans la playlist. Aux manettes, comme d'habitude, c'est le gentil, le cupidon d'Osmose Radio, Nourdine, et bien entendu à la technique. Et pour commencer, pour ouvrir cette playlist, eh bien c'était un groupe de rock expérimental californien, tout gentil, tout mignon, c'était Dear Oof, avec le titre L'Amour Stories. L'amour en français dans le texte, s'il vous plaît. Et si aujourd'hui, tous les petits cœurs roses dans les vitrines, toutes ces vaines tentatives du capitalisme pour vous faire les poches après les soldes vous sont bien gonflés, entre les petits cœurs roses, les slogans, les cupidons en veux-tu, en voilà, vous en avez peut-être marre, vous êtes peut-être agacé, accablé, saoulé, comme je vous comprends. Bref, en quelque sorte, vous avez peut-être envie de dire « j'aime pas l'amour ». C'est toujours la même chose, même histoire, même parcours, même mot, même rose, même yeux de velours. J'aime pas l'amour, à chaque fois voilà, c'est reparti pour un tour, et shabadabada. Sur la plage de Cabourg, j'aime pas l'amour. Et c'est toujours, toujours, on connaît le Dès le lendemain matin, il ressemble à Gainsbourg. C'est dire si ça craint. J'aime pas l'amour. Si tu crois me sourde au désir, et le désir en sourd, j'aime pas l'amour. Pas de main dans la main, pas de toujours, toujours. On sait ce que ça devient, c'est un compte à rebours. Avant le coup de surin, des adieux sans retour, des Valmy, des Verdun et des chagrins d'amour. Shabadabada, shabadabada. La la la, dire la dada. Ben oui, hein, l'amour c'est plein de clichés. On surfe dessus, on s'en amuse, ou au contraire ça nous agace. Olivia Ruiz a su tourner ça en dérision avec ce morceau qu'elle avait sorti il y a une petite dizaine d'années. J'aime pas l'amour. Magnifique, magnifique antiphrase. Magnifique oxymore plutôt. Et parfois, on en est tous réduits à penser ça, hein, surtout en ces périodes où, où la société de consommation nous pousse à faire les rayons en mettant des petits cœurs roses partout, tout ça. C'est choupi, c'est mimi, c'est mignon, mais parfois, ça pue un peu quand même. Voilà, chers amis. Mais bon, on va pas se priver quand même de faire une playlist consacrée à la Saint-Valentin ce soir dans l'heure du loup, puisque c'est un thème que de toute manière, j'aime bien, que je sois en couple ou que je sois célibataire. De toute manière, je trouve ça mignon. Et puis après tout, hein, tout est à disposition, mais on n'est pas obligé d'acheter. On peut simplement se faire plaisir, bah, par exemple en écoutant Osmose Radio avec des playlists thématiques comme celle de mes collègues ou bien la mienne que je vous propose ce mardi soir. Alors avec cette entrée en matière, j'aime pas l'amour, eh bien on a un petit peu posé les jalons, on a un petit peu mis les choses en place. On va pas se laisser emmerder par les sentiments mielleux, les shabadabada, les violons, tout ça. Non. On n'est pas dans un roman de Mary Ginslark. On est dans la réalité et à plus forte raison sur Osmose Radio. Et donc, eh bien, tout au cinéma, dans les romans, etc., on nous propose tout le temps des histoires d'amour qui finissent bien. En général, c'est pas le cas. Et dans la réalité. Et puis aussi, hein, qui se font un petit peu comme dans Titanic entre une bourgeoise et un pauvre. Dans la réalité, on sait que ça n'arrive jamais. Chacun reste bien dans sa classe sociale sagement et on tombe amoureux entre gens du même milieu souvent. C'est pas grave, hein, mais bon, il faudrait quand même pouvoir pas se foutre de notre gueule. Et du coup, ben, chacun est dans son petit ghetto. Hein, c'est l'amour au sein de son petit ghetto. Ghetto Love, ben, c'est justement l'objet du morceau avec lequel on va continuer. I love you. I love you like a chocolate cake, like a trace, like a sea. See me loving you, please. I love you like I love my plastic boat to fall on the sea. Oh, sea, I'm a sea, sea, I'm a sea, sea, I'm a sea, sea, I'm a sea, I'm a sea. I love you, Mathias Malzieux qui vous disait I love you like a chocolate cake. Cette phrase toute simple, je la trouve d'une beauté poétique absolument fabuleuse, quoi. Je t'aime comme un gâteau au chocolat. On fait toujours dans les films, etc., des grandes déclarations grandiloquentes, etc., de l'amour toujours, patati patata. Mais l'amour, c'est des petites choses simples, comme un gâteau au chocolat, par exemple. Un jour, sur un site américain, j'avais lu une citation. In French, we don't say I love you. We say, je te laisse finir mes frites. And it's beautiful. Voilà, hein, l'amour, c'est du gâteau au chocolat et des frites. Voilà, et pas un peu, des grands sentiments, des violons, etc. Comme dans le film Titanic, hein, où un pauvre et une bourgeoise tombent amoureux. Et c'est un petit peu ce que dénonçait peut-être le morceau qu'on écoutait précédemment, Spinnerette, avec le titre Ghetto Love. En même temps, Titanic, c'est aussi un des seuls trucs où des gens sont assez hypnotisés par les images pour supporter une chanson de Céline Dion. On peut pas leur en vouloir. Voilà, voilà, voilà, chers amis. Mais bon, ce soir, c'est une playlist rock à laquelle je vous invite, puisque vous êtes dans l'heure du loup sur Osmose Radio. Ce soir, c'est une playlist consacrée à l'occasion de la Saint-Valentin, à l'amour, mais pas forcément aux niaiseries qui vont avec. Et parce que l'amour, hein, c'est jamais qu'un prélude, c'est jamais qu'un petit peu de vernis sentimental qu'on met sur une fonction biologique toute simple, que je ne peux pas vous décrire en détail parce que les enfants sont pas encore couchés, mais bon, hein, l'amour, ça consiste à mettre son petit truc dans des petits coins sombres et obscurs et sinistres, voire même puants si vous avez pas de bol. Donc du coup, eh ben, on va, y a un groupe un petit peu qui a souligné ça, c'était le groupe californien TSOL qui avait fait une chanson qui s'appelait Darker My Love, et ce soir je vous propose une reprise par un groupe brésilien que j'aime bien, Escarlatina Obsessiva, tout de suite une reprise, Darker My Love. Yeah. Amour Noir. Alors c'est peut-être un peu ce que se disent parfois les policiers de la banlieue parisienne. Ils aiment un petit peu trop les noirs, ils les aiment même un petit peu trop profondément. Mais bon, c'est un peu sombre dans leur tête. Amour Noir, c'était un titre du groupe Opéra de Nuit, un morceau qui nous vient directement des années 80. Et juste avant, c'était un autre morceau qui lui aussi nous venait des années 80, mais par une reprise pour le coup par le groupe Bad Cave Escarlatina Obsessiva, un groupe brésilien que j'aime bien. C'était le titre Darker My Love, plus sombre mon amour, parce que ouais, l'amour a un côté sombre. Hein. Et Opéra de Nuit, c'était un groupe des années 80, un groupe qui était originaire de pas très loin d'ici, ils étaient de Valréas, et ils ont eu leur heure de gloire dans les années, dans la seconde partie des années 80. Ça aurait pu être Indochine à la place d'Indochine, et puis bon, le destin et les producteurs en ont décidé autrement. Donc, ils nous ont quand même laissé quelques perles, comme ce qu'on vient d'écouter, un titre à Dance Floor, Amour Noir. Voilà, chers amis. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Osmose Radio, vous écoutez l'heure du loup et avec Stéphane derrière le micro et le corps des faibles de Nourdine derrière les manettes. Et ce soir, vous l'aurez compris, hein, c'est une playlist avec un petit peu de stupre, un petit peu de luxure, un petit peu de testostérone, voire même un peu de musique, puisque c'est une playlist consacrée à la Saint-Valentin. On est le mardi 14, je pouvais pas y échapper, vous non plus, chers amis. Mais bon, le mardi 14, ça reste quand même en hiver. Et en hiver, eh bien, on a un petit peu froid, souvent, hein. Et on a le zizi en berne, on a les tétons qui pointent, certes, mais on a le bout du nez tout froid, et parfois même les meufs ont le rouge à lèvres tout froid, donc ça n'invite pas forcément aux bisous enfiévrés. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, hein, l'amour, c'est jamais qu'une fonction sentimentale et sociologique pour mettre des petits trucs qui dépassent dans des petits coins sombres. Et des fois, en l'occurrence, il faut rajouter une petite chemise en plastique tout doux, hein, qu'on appelle ça du latex, et du coup, il faut parfois mettre ça pour s'insinuer dedans. C'est un petit peu la référence, le clin d'œil rigolo qu'a fait le groupe Velvet Condom pour parler de ça justement, et qui parle de fait que parfois les nanas ont les lèvres toutes froides et qu'on leur fait des bisous quand même parce qu'on les aime beaucoup. À l'instant, tout de suite, Velvet Condom, Kalten Lippenstift. Thank you. Amélie continue à se réfugier dans la solitude. Elle prend plaisir à se poser des questions idiotes sur le monde ou sur cette ville qui s'étend là sous ses yeux. Combien de couples, par exemple, sont-ils en train d'avoir un orgasme à cet instant précis? Tiens, combien d'auditeurs sont en train de faire des cochoncetés en écoutant Osmose Radio? Bougez pas les amis, je compte. 1, 2, 3, 10, 12, 13 et demi. Ah, oh, c'est pas mal. 13 et demi, bon ben, je suis assez surpris d'apprendre qu'il y a autant de personnes qui écoutent l'heure du loup avec une main dans leur culotte. Je sais pas comment je dois le prendre, mais ça fait plaisir, chers amis. Continuez, je vous en prie. À l'instant, on faisait une petite escapade du côté du son synth-pop avec deux morceaux enchaînés. À l'instant, c'était X-Ray Pop avec le titre « Oh oui, j'aime », avec cette voix de pétasse et tout, et ses paroles à de Francis Sou. Mais j'aime bien, et puis c'était enchaîné juste avant avec un groupe allemand des années 80, la Neue Deutsche Welle, c'était Weltwelle Condom avec le titre Kalter Lippenstift, le rouge à lèvres tout froid, hein. C'est aussi une manière de nous rappeler que parfois, tristement, l'amour est plus froid que la mort. On va revenir un petit peu vers un autre aspect de l'amour, puisque sur le thème ce soir, hein, c'est que c'est aussi la période des parades nuptiales de la danse. En d'autres termes, d'ailleurs, la semaine prochaine, on sera servi sur Avignon, puisque ce sera le festival des hivernales pour ceux qui apprécient le thème. Et la danse, justement, ben c'est aussi l'occasion pour la Saint-Valentin, soit d'aller vous trouver une copine si vous n'en avez pas pour le moment, soit justement de sortir votre dulciné ou votre amoureux en l'occurrence, puisque ce week-end justement il y a des trucs assez sympas qui sont organisés, c'est le cas d'autres week-ends aussi, mais pourquoi ne pas profiter de celui-là, voilà, et donc de souligner un petit peu cette fête des amoureux avec quelques jours de retard. Et bien chers amis, c'est un petit peu l'objet du morceau avec lequel on va continuer tout de suite, The Anorexic Juliet avec le titre Valentine's Dance. Time. si vous connaissez vos classiques de la peinture, vous avez forcément vu quelques scènes galantes de la peinture, notamment de la peinture du XVIIIe siècle, avec la scène de l'embarquement à Cythère, hein, vous savez, où il y a les satyres, les nymphes, les bacchantes, leurs amoureux, etc., qui s'embarquent sur des bateaux pour aller sur l'île de Cythère, donc une île de bien connue lors de l'Antiquité grecque, et pour aller faire des cochoncetés. En gros, c'était un club privé où vous allez faire des partous, quoi. Voilà. Et tout le bestiaire, hein, des mythes grecs allait faire des cochoncetés là-bas. Et bien, c'est un petit peu ce à quoi nous invitait Killing Joke tout de suite dans le morceau qu'on vient d'écouter. Killing Joke, c'était le titre In Cythera, et c'était enchaîné juste avant avec un groupe qui ouvrait un petit peu le thème, hein. C'était The Anorexic Juliet avec le titre Valentine's Dance, parce que ouais, la danse, ça consiste à mimer debout ce qu'on a l'intention de faire allonger plus tard, hein. Je sais pas où j'ai trouvé cette définition, mais je l'aime bien. Voilà. Allez, chers amis, ben on a fait un petit peu le tour, enfin pas le tour forcément, un tel thème, on ne fait pas forcément le tour en une petite heure, mais quand même on a vu certains aspects de l'amour ce soir, qui était le thème de l'émission à l'occasion de la Saint-Valentin qui a lieu aujourd'hui même, mardi 14 février, mais quand même je ne voulais oublier personne, et je tenais quand même à faire une petite dédicace à nos femmes, nos chers amis, les auditeurs nécrophiles. Parce que certes, hein, vous avez un hobby un petit peu particulier, d'aucuns diront que c'est abusif, voire illégal, mais que je sache, après tout, hein, les cadavres avec lesquels vous avez fait des galipettes, après tout, ne sont jamais venus se plaindre. Et du coup, eh bien écoutez, hein, ceux qui qualifient ça d'illégal auront encore quelques procès à vous mettre au cul. Moi, simplement, je voulais vous faire un petit clin d'œil dans la playlist, avec un groupe qui, lui, non plus, ne vous oublie pas. C'était sur l'album Objectif Tune en 2008, c'était le groupe Ultra Vomit qui vous consacrait une petite chanson. Autant aimé que depuis que tu t'es en allé, je ne t'ai jamais autant tôté ta culotte. Maintenant que t'es morte, notre amour est éternel, libre et rebelle. Notre amour c'est pour toujours. Oh, à jamais je te fous. Je ne t'ai jamais autant aimé que depuis que tu t'es en allé. Je ne t'ai jamais autant tôté ta culotte. Maintenant que t'es mort. Maintenant que t'es petite dédicace à ceux qui ont des hobbies un petit peu particuliers avec cette chanson d'Ultra Vomit, hein, un petit peu d'humour hardcore pour conclure cette émission, parce que oui, c'est déjà la fin. Mais bon, j'ai tenu une heure, vous allez pas me faire des reproches quand même. Voilà, chers amis, en amour, parfois on tient moins longtemps que ça. Chers amis, bah, c'était ma playlist consacrée à la Saint-Valentin ce soir. J'espère que vous y aurez pris plaisir, hein. C'est pour votre plaisir que vous écoutez Osmose Radio, je le sais bien. Et bien écoutez, ce soir, c'était un petit peu du plaisir qu'on aura eu ensemble. Peut-être que quand on se recroisera, on en aura d'autres. Mais bon, pour le moment, je me vois obligé de conclure. Comme dit Michel Blanc, je suis à deux doigts de conclure. Et en l'occurrence, eh bien, je tenais quand même à dire, hein, ich liebe dich, mein Gelit, mein Chat. Et puis vous aussi, chers amis, hein, je sais qu'il me fait plaisir d'écouter Osmose Radio, d'écouter L'Heure du Loup, voire de télécharger les podcasts ou de laisser des petits mots sur le Facebook. Sachez que je vous aime beaucoup, ça fait toujours plaisir. Voilà. Comme à notre habitude, on va se quitter avec quelque chose d'un petit peu particulier. Ce soir, ce sera aussi quelque chose d'un petit peu plus calme, avec un garçon qui a sans doute bu autant d'amour qu'il a bu d'alcool. Laissez-moi vous dire que ça représente très très beaucoup. C'est Christophe Miossec qui a fait une jolie chanson, une parmi tant d'autres, L'amour et l'air. Parfois là avec l'amour on a l'air con, mais bon en l'occurrence c'est pas forcément son propos dans cette chanson là. Voilà, Christophe Miossec, l'amour et l'air, on va se quitter avec ça. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une playlist où je vous emmènerai danser. Voilà chers amis, restez à l'écoute d'Osmose Radio. Miossec pour ceux qui nous quittent, gros bisous, je vous aime. Parfois même ça rend idiot. L'amour c'est rudimentaire. Que les choses soient bien claires, on peut même y laisser sa peau. On peut même y laisser sa peau. L'amour c'est comme de la poussière qui vous glisse sur la peau. A-t-on fait le nécessaire? En avons-nous fait un peu trop? Est-ce que le plaisir de la chair ne vous rend pas parfois marteau? L'amour c'est une poudrière qui vous foudroie sans dire un mot. L'amour c'est plus lourd que l'air, pas forcément nécessaire, et parfois même ça rend idiot. L'amour c'est plus lourd que l'air. Que les choses soient bien claires, c'est comme une sorte de courant d'air. Y'a une porte qui claque en haut. L'amour aime parfois croiser le fer. L'amour peut aussi faire froid dans le dos. Un après-midi dans une clairière, soudain s'envolent les oiseaux. Ça vous tourne la tête sous les réverbères, et ça vous ronge la peau. L'amour vous fait mordre la terre. L'amour vous laisse sur le carreau. L'amour c'est plus lourd que l'air, pas forcément nécessaire, et parfois même ça rend idiot. L'amour c'est rudimentaire. Que les choses soient bien claires, on peut même y laisser sa peau. L'amour c'est plus lourd que l'air, pas forcément nécessaire, et parfois même ça rend idiot. L'amour c'est rudimentaire. Que les choses soient bien claires, on peut même y laisser sa peau. On peut même y laisser sa peau.